En Corée du Sud, l'Action nationale contre la disparition du SAD et la formation Légion pour la paix et la rééducation ont livré la lutte contre l'introduction des armes d'agression le 19 août aux abords du siège du ministère de la Défense. Dans la conférence de presse, les orateurs ont dit « Le commandant en chef de l'armée de terre, le secrétaire au département de la marine et autres intéressés de haut rang des États-Unis effectuent les tournées en Corée du Sud à tour de rôle. » Le but est de calmer la critique plus sérieuse contre le SAD en Corée du Sud pour rater sa disposition et aussi de forcer à introduire le missile SM-3 en Corée du Sud. La conférence de presse finie, les formations ont organisé l'action de paix et la manifestation.